Chapitre 8. Gemma reprit dès le lendemain son travail avec le vieux comte. Elle lui fit part du résultat de ses recherches, lui communiqua les résultats obtenus. Ensemble, ils commencèrent l'ouvrage que M. de Camparen avait en vue depuis longtemps et que ses continuels déplacements l'empêchaient jusqu'alors de mettre en train. À propos de ses voyages, il confia un jour à Gemma que cette manie ambulatoire de sa femme avait été pour lui une grande épreuve. Ses continuels séjours dans les hôtels, les paquebots, les trains de luxe, quelle dispersion de la pensée, quelle existence harassante pour le corps et l'esprit. Mais Cynthia ne pouvait demeurer au même endroit plus de 2 ou 3 mois. « Monsieur Lionel ne vous accompagnait pas ?»« Si, jusqu'à sa 20e année. Alors, il a refusé de quitter Bruxelles. Il s'est d'ailleurs marié à ce moment-là. Sa femme lui tenait compagnie, du moins pendant les 2 années de sa courte vie conjugale. Plus tard, ce fut la petite Juliette. Gentil enfant, si gaie, si heureuse d'abord. Et puis, la maladie. Ce pauvre Lionel a eu bien du malheur jusqu'ici. » « Espérons que votre charmante sœur l'en dédommagera. » Gemma comprit ainsi que Madame de Camparen avait fait mener à son faible mari une vie tout à fait opposée à ses goûts et que Monsieur de Camparen, lui aussi, avait eu dans le mariage, au milieu de sa richesse, une pénible existence près d'une femme férocement égoïste. Dans la bibliothèque, les travailleurs n'étaient pas généralement dérangés. Achille Bardou, le secrétaire à tête de rat, écrivait dans l'embrasure d'une fenêtre, à l'autre extrémité de la pièce. Parfois, Laetitia venait chercher un livre, échanger quelques mots avec le comte et Gemma. Un après-midi, Salvatore entra, rapportant un ouvrage sur l'ancienne Corse qu'il venait de terminer. Il s'assit et causa un moment, interrogeant son grand-père, Gemma, sur le travail en cours. Comme Gemma le faisait remarquer, M. de Camparen dit, en frappant sur l'épaule de son petit-fils, « Oui, celui-là aurait été pour moi un collaborateur incomparable. Mais il déteste Bruxelles et n'y fait que de très courts séjours. Au moins, resteras-tu jusqu'au mariage de Lionel ?»« Certes non, je serai en Corse à ce moment-là. » Monsieur de Camparen prit un air embarrassé en tourmentant un volume entre ses longs doigts maigres. « Mais, mon enfant, chaque fois... » Salvatore ne parut pas l'entendre. Il regardait un rayon du couchant qui s'étendait jusqu'au fauteuil de Gemma, éclairant les boucles blondes, le teint nacré, les beaux yeux pensifs derrière leurs cils demi-baissés. Monsieur de Camparen tout sauta. « Mademoiselle de Rambertin, que ton cousin veut demander comme témoin, va encore faire une remarque. »« Laissez-la dire, grand-père, ou plutôt, accusez-moi d'originalité, de loufoquerie, de tout ce que vous voudrez, enfin. Elle déversera quelques louanges de plus sur Lionel, voilà tout. » En se levant, Salvatore ajouta, s'adressant à Gemma, « J'ai vu hier la petite aube dans le jardin. » Elle m'a paru avoir un peu moins mauvaise mine. Oui, il me semble, mais je voudrais déjà la voir à l'air marin. Le docteur en espère un grand bien. Monsieur de Camparen soupira. Encore ces 2 mois, Dina, qui vont interrompre notre travail. Salvatore et Gemma rirent tous deux. Salvatore avait un rire jeune et franc, très agréable, qui contrastait avec sa physionomie froide. « Emportez quelques paperasses, grand-père. Mademoiselle Gemma trouvera bien un peu de temps pour travailler avec vous. »« Oui, mais nous n'aurons pas la tranquillité d'ici et tout sous la main. Enfin !» Le vieillard soupira de nouveau. « Ainsi donc, tu vas retrouver bientôt ta chère Corse ?»« Oui, grand-père, dans une 15aine probablement. Connaissez-vous mon pays, mademoiselle ?»« Malheureusement, non. » Et Salvatore se mit à décrire des paysages, des coutumes, avec des mots chauds, colorés, avec une étonnante puissance d'évocation. sa physionomie se transformait de nouveau, devenait plus vivante, avec une flamme dans les yeux noirs qui décelait un feu intérieur soigneusement dérobé à l'ordinaire. Gemma, charmée, un peu frémissante, songeait « Sa froideur n'est qu'un masque. Il y a de la passion dans cette âme. » Quand son petit-fils eut quitté la bibliothèque, M. de Camparène demeura un instant silencieux. Puis il fit observer « Il est bien regrettable que ce garçon-là, si remarquable à tous égards, ne veuille pas se marier. Mais rien à faire, sa grand-mère a échoué dans toutes ses tentatives et ses amis personnels de même. Alors il faudra donc, cher enfant, que Mao assure la descendance masculine des Camparènes, » ajouta-t-il en souriant. Pour le moment, Mao était en pleine agitation. Lionel faisait apporter quelques transformations à l'appartement occupé par ses deux premières femmes. Avec sa fiancée, il choisissait tentures, tapis qu'on apportait de Nice à choisir. Il faisait remonter des parures, en achetait de nouvelles. En compagnie de Madame de Camparène, Mao visitait les maisons de couture où se confectionnait pour elle toute une série de toilettes, surtout toilettes du soir et très élégantes robes d'intérieur. Elle en concluait qu'elle mènerait une vie très mondaine, fréquenterait théâtre, casino ou, en ce moment, deux ou trois fois par semaine, la conduisait Madame de Camparène aux petits soins pour elle. Cependant, M. Lionel ne semble pas sortir jamais de Bruxelles, lui fit observer un jour Gemma, tandis qu'elle contemplait une cape de vison étendue sur le lit. « C'est vrai, mais il m'a dit que, pour l'amour de moi, il surmonterait cette humeur sauvage due à son infirmité. » L'infirmité de Lionel. Gemma se demandait parfois si elle existait, en le voyant marcher correctement avec ses deux cannes. Il faisait chaque matin une promenade dans les jardins, suivi de son domestique chinois, lui donnant parfois le bras. Certains jours, il rejoignait Laetitia dans son laboratoire. Puis il revenait s'asseoir pour le reste de la journée, les jambes enveloppées de fourrures ou de plaies, selon la saison. Il passait son temps à lire, à causer, à faire de la musique. Une de ses occupations favorites était de modifier la disposition des fleurs dans les vases et corbeilles préparées par le jardinier. Il y apportait un art délicat qui en faisait un émule des Japonais. Le second dimanche qui suivit son retour, Gemma, en sortant de l'église avec Mao et Laetitia, vit s'avancer vers elle Salvatore. Après les avoir salués, il répondit à une remarque de la comtesse Camparini. « En effet, j'étais dimanche dernier à Nice. J'avais été entendre la veille la flûte enchantée avec cet excellent orchestre viennois et je ne suis revenu que dimanche soir. » « Ah, la flûte enchantée !» dit Mao. « J'aurais bien voulu aussi l'entendre. Il faudra que je demande à Madame Camparène de m'y conduire si on la joue encore. »« Oui, elle est à l'affiche pour la semaine. » »« Nous en avons précisément joué certaines parties hier, Lionel et moi. » Salvatore eut un léger rire sarcastique. « Oh, Mozart joué par Lionel !» L'ange de lumière transformé en bête vénéneuse. Mao prit un air fâché. « Mais monsieur, vous ne vous êtes pas aperçu qu'il transformait tout ce qu'il jouait ?» Salvatore regardait Mao avec un mélange d'ironie et de pitié. « Oh, avec un incontestable talent, il est vraiment un artiste, mais c'est sa pensée à lui, c'est son esprit, son âme, qu'il introduit instinctivement dans les œuvres d'autrui. N'ai-je pas raison, Laetitia ?» La comtesse Camparini inclina affirmativement la tête. « En tout cas, c'est un délice de l'entendre, » dit Mao, pinçant un peu les lèvres. « Est-ce votre avis, mademoiselle ?» Salvatore s'adressait à Gemma. « Certes non, j'éprouve toujours un malaise en l'écoutant. » Oh, toi, du moment où il s'agit de Lionel !» Et Mao, en colère, tourna le dos pour se diriger vers la voiture. Elle trouve que vous n'avez pas assez de sympathie pour son fiancé, dit Laetitia. Un sourire assez énigmatique glissait entre ses lèvres. Gemma ne répliqua rien. Peu lui importait que la comtesse Camparini eût deviné ses sentiments à l'égard de Lionel. Mais elle lui inspirait trop peu de confiance pour qu'elle les confirmât devant elle. Salvatore jeta vers Mademoiselle de Fonteillan un de ses regards curieux, intéressés, qu'il avait eu pour elle dès leur première rencontre. Puis il demanda, s'adressant à toutes deux, « Remontez-vous en voiture ?»« Pas moi, en tout cas, par cette superbe matinée, » dit Laetitia. « Et vous, mademoiselle ?»« Oh, moi non plus !»« Alors, remontons ensemble. Je suis venue à pied en faisant un détour par les Cordières. » « Y avez-vous mené Mademoiselle de Fonteillan, Laetitia ?»« Non, pas encore. Je me proposais de l'y conduire cette semaine. La végétation est magnifique en ce moment. » Tout en causant, les trois jeunes gens s'engageaient dans la montée. Devant eux s'avançait Paola, enveloppée dans sa longue mante noire. Laetitia dit avec un petit rire bref, « Elle me fait ainsi l'effet d'un grand corbeau, votre Paola. Quand vous êtes seule avec elle, je ne pense pas que ce doit être très gai. » »« La gaieté n'a jamais été le fait de ma bonne Paola. Je dois me contenter de son dévouement absolu. » »« Un dévouement qui va peut-être jusqu'à la jalousie, car on prétend que c'est elle qui vous engage à garder le célibat. » Salvatore tourna vers sa cousine, un regard où l'impatience se mêlait à l'ironie. « Qui prétend cela, Lionel ?»« Lui et Madame de Camparène. » »« Elle déteste Paola, mais à l'occasion, vous pourrez l'assurer que je ne suis pas homme à subir une influence quelconque, sur ce point-là encore moins que sur d'autres. » Et après un petit temps de silence, Salvatore ajouta, avec une intonation sarcastique, « Si elle croit Paola capable de me pousser dans cette voie, elle devrait au contraire la bénir, puisqu'en ce cas, tous les biens de Camparène reviendraient à Lionel et à sa descendance. » « La logique n'existe pas beaucoup dans les cerveaux humains, vous le savez, mon cher. » Ils durent tous trois, à ce moment, se ranger le long de la route étroite pour laisser passer la voiture ramenant Mao, Aurélie et Anna, la cuisinière. Après cela, ils parlèrent d'autre chose jusqu'à l'arrivée au château. Salvatore prit congé de ses compagnes. Gemma monta chez elle pour changer de vêtements, puis elle se rendit dans la chambre des enfants où Aubette demeurait couchée tard dans la matinée avant d'aller s'étendre dans une partie ensoleillée des jardins. Comme elle en sortait un quart d'heure plus tard, elle croisa sur le palier Aurélie qui tenait une lettre à la main. Remarquant des larmes dans ses yeux, elle demanda « Avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ?»« C'est un mot de Madame Shefford, la mère de l'institutrice anglaise qui a précédé Mademoiselle. » Elle m'annonce que la pauvre petite Miss est morte la semaine passée. Quoi ? Était-elle donc si mal quand elle est partie d'ici ? Quelle maladie avait-elle ? On ne sait pas, mademoiselle. C'était une langueur, une tristesse. On espérait que le retour dans son pays lui ferait du bien. Hélas ! Un léger grincement fit tourner la tête de la mulâtresse. Dans l'entrebâillement d'une porte apparaissait la figure fardée de Zora. Ses grosses lèvres s'ouvraient, ricanantes, ses petits yeux noirs luisaient de joie. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» dit brusquement Aurélie. « J'écoute, j'écoute. Ah, encore une, encore une !» La porte fut brusquement refermée, non sans qu'on eût le temps d'entendre une sorte d'affreux éclat de rire. « Que dit-elle ? » demanda Gemma, péniblement impressionnée. « Oh, je ne sais, elle a le cerveau dérangé !» Aurélie semblait avoir peine à parler et son teint prenait une couleur cendreuse. « Quand donc serons-nous débarrassés de cette créature ? C'est une vraie calamité ! Personne ne comprend l'entêtement de Madame la Comtesse !» Tout en parlant, Aurélie s'en allait vers la chambre des enfants, dont elle ouvrit la porte où elle disparut. De cet incident, il resta à Gemma un malaise qui fut long à se dissiper. La présence de Brigida Tchernine au déjeuner l'y aida un peu. La jeune femme était gaie, comptait assez drôlement les potins de la côte. Gemma la jugeait bonne, mais d'intelligence médiocre et d'esprit assez superficiel. Comme elle ne dissimulait pas sa déception de ne point voir apparaître Salvatore, Lionel dit narquoisement « Eh bien, ma chère, allez le relancer chez lui. Oh, je n'oserai jamais !» Là, vous voyez quel aimable et galant personnage est mon cousin. Brigida, une amie d'enfance, recule à la pensée de l'accueil que lui ferait cet ogre dans sa tanière. Brigida leva les épaules. N'exagérez pas, Lionel. Salvatore ne me recevrait pas mal, naturellement, mais il prendrait peut-être un certain air. Et c'est ce que je dis, un certain air qui vous ferait comprendre que vous êtes indésirable. Ainsi donc, mieux vaut demeurer parmi nous, qui sommes des gens aimables et sans complications. » Gemma songea. « Sans complications ? Oui, Mao, monsieur de Camparène, mais les autres ?» Mao dit impétueusement. « Votre ennuyeux cousin fait aussi bien de ne pas nous honorer de sa présence, Lionel. Je ne sais ce que lui trouve d'intéressant Madame Tchernine, mais moi, je le déteste. » « Vous avez bien raison, ma très chère, mais ne savez-vous pas que l'amour est aveugle ?» Lionel regardait ironiquement Brigida. Celle-ci rougit sous son fard, fit la moue d'une personne vexée, mais ne protesta pas. Gemma la regardait avec une indulgence mêlée d'un peu de pitié. Elle ne s'imaginait pas un homme tel que Salvatore pouvant aimer cette aimable femme insignifiante. Pauvre Brigida, elle ferait peut-être bien de ne pas conserver d'illusions à ce sujet. Madame de Camparène, ce soir-là, emmena à Nice Mao, Gemma et Madame Tchernine. Après un dîner au restaurant, elle devait les conduire au casino pour entendre la flûte enchantée. Quel dommage que vous ne vous décidiez pas à venir avec nous, dit Mao en prenant congé de Lionel. « Cela aurait tellement augmenté mon plaisir. Pourquoi vous confiner ainsi alors que vous pourriez jouir de tant de choses ?» Il rit doucement en prenant sa main pour la baiser. « Oui, oui, je suis un original. Ne vous occupez pas de moi, ma chérie. Profitez bien de ce plaisir. Profitez de ces belles heures de fiançailles qui resteront indélébilement dans votre souvenir. » Sa voix n'était que tendre douceur. Son regard caressait Mao, vraiment d'une beauté parfaite, dans cette robe de crêpe d'un rose très pâle, avec, autour du cou, le fil de perles d'un orient très pur qu'il lui avait offert quelques jours auparavant. Et ses lèvres se posèrent longuement sur les doigts de Mao. Gemma eut un singulier coup au cœur. Pourquoi ? Elle en chercha vainement l'explication au cours de la soirée, tandis que, reprise d'une singulière angoisse, elle écoutait distraitement les propos de ses compagnes et tressaillait en entendant le rire léger de Mao, heureuse, triomphante, exultante de l'admiration qu'elle sentait autour d'elle.